qui engendre la foi et leur prière dans les cœurs. Notre pierre des séchettes de l'air sanguinaire. Un jour où l'homme la révolte explosera.